Moshe, le coup yo comme na mobembo awa, sikolo zali na kongo Brazzaville, Uganda, okoleka kuna, Kenya, Tanzanie, Abidjan pe Dakar. Na yoki oyena montule moko pensa ya malunga. Mondule wana eyali succès à la moule batu nyonso bazala kosenga kango succès à la Bana ya di Roger, bana ya fiesta. Oye baki, bako kaki kobo sanabisote. Bala kisi to bana bonde kona katia fami, oye ya fiesta. Se ala mule ya bana fiesta la kara. Ala mule ya zote tona suce, oye oye la kara ya kabo bima. Aninga, to salipe koye bisabino. Lenge amboka bana la carapana ya di Roger, bana ya fiesta. Tuye baki, bako kaki kobo sanabisote. Bala kisi to bana bonde kona katia fami, oye ya fiesta. Se ala mule ya bana fiesta la kara. Ala mule ya zote tona suce, oye oye la kara ya kabo bimao. Oye oye, six à la moule, fiesta à la moule, six à la moule, porte la pia, six à la moule, charlotte moule, six à la moule, Santa Lucia, six à la moule, Marie Josette, six à la moule, Marie Thérèse, six à la moule, six à la moule, six à la moule, six à la moule, six à la moule, six à la moule, chantez avec moi. Six à la moulée, Titine à la moulée.